Le porte-parole du Parti pour le rétablissement du bien-être de Corée du Sud a publié le 31 mars un commentaire exigeant le retrait complet des traîtres. Il a déclaré que pour la victoire finale de la lutte à la bougie, il reste maintenant le changement du pouvoir et qu'au-delà de la détention individuelle de Park Geun-hye, il faut le changement complet de son pouvoir. Par ailleurs, la révélation successive des crimes de Park Geun-hye, qui a reçu d'énormes pots de vin pendant son mandat et montré à Choi Soon-sil plus de 110 dossiers confidentiels, indigne de plus en plus la société sud-coréenne.